Je vous lis un passage paru dans le journal de la Libre Belgique cette semaine d'un monsieur qui s'appelle Xavier Deutsch, écrivain, en réaction au projet de loi sur les visites domiciliaires chez les sans-papiers. Il dit « Je résume, il existe 4 guerres au Soudan, il en existe une autre en Irak, une autre en Syrie, une autre au Yémen, une autre en Afghanistan. La rétorsion politique écrase les peuples d'Égypte, d'Érythrée, d'Éthiopie. La sécheresse aggravée par le dérèglement climatique crée la misère et la famine dans de nombreux pays du Sahel. En Belgique, il neige. Il neige en Belgique et des centaines de femmes et d'hommes, après avoir forcé des frontières, traversé des déserts, évité les marchés d'esclaves, été rançonnés par des passeurs, franchi une Méditerranée, bravé les routes d'Italie et de France, aboutissent dans un coin de parc à Bruxelles-Ville. La plupart tentent le passage au Royaume-Uni. Ça les regarde. Nous, ce qui nous regarde, c'est que ces gens sont là, dans un parc, il neige. Ces gens ont faim, ils ont froid, ils ont peur. Le seul endroit où ils reçoivent un repas, un lit, chaud et de la sécurité, ce sont les centaines de maisons, des centaines de familles qui les hébergent à Bruxelles, à Rixensart, à Namur, à Charleroi. Vous êtes au courant ? Hébergement plateforme citoyenne. Des Belges qui savent très bien qu'ils ne fermeront pas les marchés d'esclaves en Libye, ni n'arrêteront la guerre en Syrie, ni ne feront taire Donald Trump, mais qui ne se résignent pas. Ces Belges font la seule chose qui soit à leur portée, mais ils la font. Accueillir pour une nuit, deux nuits, quatre nuits des gamins venus à pied de Somalie et du Soudan. La Belgique possède un avantage. Contrairement à ce qui a lieu dans les pays voisins, l'accueil est chez nous légal. On ne peut pas incriminer un citoyen qui héberge un réfugié. On ne peut pas incriminer un citoyen qui héberge un réfugié. Si un policier se présente à votre porte pour alpaguer un invité en situation illégale, il doit être muni d'un mandat délivré par un juge d'instruction. Sans ce mandat, le policier ne passe pas, ne franchit pas la porte. Le secrétaire d'État Franken veut changer cela. Le secrétaire d'État Franken ne supporte pas l'idée qu'un réfugié se trouve là, derrière cette porte, et qu'il ne puisse pas l'arrêter. Le secrétaire d'État Franken a donc déposé en commission de l'Intérieur un projet de loi visant à permettre aux policiers d'entrer dans nos logis sans qu'un juge en ait donné l'autorisation. Le secrétaire d'État Franken met une application touchante à faire en sorte de parvenir toujours très vite au célèbre point Godwin. Qu'est-ce que le point Godwin ? Là, je fais une petite parenthèse. Cette expression est apparue aux États-Unis en 1990, quand un avocat américain, Mike Godwin, a théorisé une loi, la loi Godwin, en ces termes. Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Depuis, le point Godwin est entré dans le langage courant et s'applique également aux discussions dans la vie réelle lorsque les mots Hitler, nazisme ou encore camp de concentration surgissent de nulle part. Il est d'ailleurs souvent atteint alors que la conversation n'avait rien à voir avec Hitler au départ. En général, ces références au nazisme ou à la Shoah arrivent quand l'une des parties d'un débat est à court d'arguments et tente de discréditer son adversaire. Je ferme la parenthèse et je continue le texte. Ce projet de loi devait être examiné en commission ce mardi 12 décembre 2017. La neige en a reporté l'examen au début de l'année prochaine. Ce petit mot s'adresse aux députés qui auront à s'intéresser de ce projet de loi. On en appelle à leur sens de la dignité. Si leur sens de la dignité ne devait pas suffire, on leur murmure ceci. La plateforme citoyenne compte aujourd'hui plus de 25 000 membres. La plateforme elle-même et toutes les autres associations qui travaillent dans le même sens coalisent un intérêt, une sympathie, une adhésion qui vont en grandissant chaque jour. Si un député devait évaluer ce projet de loi avec un regard électoraliste, qu'il se souvienne de ces chiffres. tous, un par un, nous écouterons leurs prises de position, nous scruterons leurs votes, nous étudierons leurs attitudes. En octobre prochain, nous voterons. Le secrétaire d'État Franken durcit chaque jour une politique déjà inhumaine. Il collabore avec les dignitaires d'un État violent et corrompu. Il organise des opérations de police brutales, des rapatriements illégaux, des manœuvres de toute nature et généralement indignes. Il déshonore notre pays. Et c'est à vous, mesdames et messieurs les députés de tous bords, qu'il appartient de le contenir. Voilà, nous sommes chez l'artiste avant la grande journée. Là, il est 8h du matin. On rentre dans la salle de bain. Alors, est-ce que je donne ton prénom ou bien tu préfères pas ? Je préfère rester anonyme. Comment ça va ? Ça va. Bien dormi ? Oui, j'ai bien dormi. Ça fait combien de temps que... se prépare tout ça pour aujourd'hui, enfin, le grand jour. Ça fait deux petits mois qu'on prépare ça, mais c'est toujours la dernière semaine qu'on se rend compte qu'il y a 1000 trucs à faire, et même le jour avant, je dirais. Donc aujourd'hui, je me suis réveillée en me disant, ok, lâche prise, la journée va se passer de toute façon, et ça va être chouette, on sera tous ensemble. On va se marrer, il y aura des trucs drôles. Ça va être chouette. Positive. Et d'où vient cette idée, alors ? Tu peux un peu la dire, l'idée, parce qu'on ne l'a même pas encore dite, en fait. Hein, donc. L'idée, le projet ? Eh bien, un matin, Victoria, une amie que je connais de longtemps, enfin, on se connaît depuis longtemps, mais nous n'étions pas spécialement amies, m'appelle... Nous sommes signes astrologiques Verseau et c'est comme ça qu'on s'était hyper bien entendu. Et donc elle m'appelle un matin en me disant « Margot, je sais que tu vas être partante pour ce projet. » Mais quoi, vous vous connaissiez quand même On se connaît de la ville de Namur, mais on n'a jamais dormi ensemble, on n'a jamais déjeuné ensemble. On se connaît par amis d'amis, par connaissance. On dort ensemble on a... bah, oui, quand t'as une amie vraiment, bah, t'as déjà dormi okay, avec okay, elle. Ok, oui, on partage des choses. Oui, en tout cas. Voilà. et voilà, donc elle m'a appelé un matin pour me parler de ce projet qu'elle a réalisé également en Namur la semaine passée. Et donc le projet qui est d'aider des personnes démunies, sans abri, réfugiées. Pourquoi ? Parce qu'elle est de Namur. Voilà, elle est de Namur. Et donc... elle m'a proposé de le faire avec elle à Bruxelles, qu'elle le ferait du côté de Namur, et qu'à Bruxelles, on pourrait l'organiser à deux, quoi. Et du coup, ben voilà, on l'a organisé à Bruxelles, on a dû courir à droite, à gauche, parce qu'on nous a fait clairement tourner en rond pour des autorisations, des trucs. C'était chaud, on est parti jusque dans un grand bâtiment de police à Evere, tout perdu, on s'est perdu 15 fois sur le chemin. Mais voilà. Pour avoir l'autorisation de faire ça. Pour avoir l'autorisation de faire ça. Et faire quoi exactement ? De se rassembler, de rassembler le peuple pour donner des choses de chez nous à des personnes qui sont dans le manque, dans le besoin. Donc finalement on arrive chez la police, c'était même pas eux qui donnaient l'autorisation mais le bourgmestre, donc on devait juste leur parler de notre plan, eux allaient transmettre le message au bourgmestre qui allait accepter, ou pas. Et voilà. Et ça a été fait facilement, ils ont accepté facilement, il n'y a pas eu de problème ? Enfin, en réalité, si, on sait même pas encore à l'heure actuelle si c'est accepté ou pas parce qu'ils transmettent trop mal les informations, mais ce sont les policiers qui étaient très très sympas, qui nous ont suivis vraiment et qui nous appelaient régulièrement pour dire « Alors, l'organisation ?» Et en fait, ils ont vu l'événement sur Facebook qui a pris une ampleur de malade. Donc, on a eu plus de 1600 participants. Ça a été une ampleur de dingue. Et les policiers nous ont dit bah, « Ben voilà, on ne pourra pas l'annuler quoi qu'il arrive. Donc, organisez-vous. » Et voilà. Ah oui, ça a pris de l'ampleur. Moi, ce que j'aimais bien, le message au tout début, c'était « on dit des jeunes, enfin, peut-être je le transforme, mais c'était genre, oh non, on fait pas ça, c'est tellement beau quand c'est naturel. L'artiste maquille, en fait. Hein. Non, mais j'aimais bien l'idée sur le réseau social, c'était les jeunes n'arrêtent pas d'être sur leur portable, mais genre, oui, ils peuvent... Oui, oui. C'était quoi l'idée? C'était, nous avons toujours la tête baissée sur nos smartphones, relevons-la un peu pour faire quelque chose de concret et en avant, quoi. Du coup, on va relever nos têtes aujourd'hui et on va aller aider les personnes qui en ont besoin, surtout dans ce grand froid. Et donc, je vais te laisser te faire ta toilette. Et on se retrouve quand toi, t'auras déjà organisé un peu plus tard. Bah. On se retrouve plus tard dans le feu de l'action, je dirais, à la gare du Nord, devant la gare du Nord, rue du Progrès. Voilà, on se retrouve. Ok. À tantôt. Je vous laisse vous maquiller. Merci. Vous êtes tellement belle au naturel. Bonjour, n'ayez pas peur, il n'y a pas de caméra, c'est juste du son, c'est même pas qui vous êtes. On m'a déjà dit ça, je me suis déjà retrouvé à la TV une fois comme mais ça. Mais regarde, là, il n'y a pas de caméra. Et c'est là que j'avais dit c'est à ma mère, du son. Je suis pas là-bas. Et puis elle me fait, je t'ai vu à la TV, tu étais réellement là-bas, espèce de petit menteur. Non mais là c'est du son et c'est pour mettre à l'honneur l'initiative. Pour montrer que les gens quand même sont solidaires, quoi. Parlez français ? Oui, tout à fait. Bah voilà, vous auriez quelque chose à dire sur ces... Allez, c'est quand même génial, c'est quand même, non ? C'est fantastique, franchement. Et on espérera que ça se recommencera le plus vite possible. Oui, ou qu'il y ait d'autres initiatives qui se mettent en place. Exactement. Vous êtes, c'est anonyme, il n'y a pas besoin, mais... Des organisatrices, en fait. Vous êtes partie des organisateurs ? Non, mais je les aide. Voilà, aidant, super. Principal. Et pourquoi vous aider comme ça? Parce que je pense qu'il faut le faire. C'est important. Si je fais pas mais ça. Pourquoi pourquoi mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? C'est ta religion chrétienne ou? Non, absolument pas. Je suis non-croyant. Mais par contre, je crois en l'humain. Et je peux pas regarder quelqu'un être mal en face de moi et moi être bien. Donc voilà. Plutôt que de rester chez moi aujourd'hui, je préférais venir aider quelqu'un. Bien, ça, bravo! Moi je dis bravo. Donc oui, mais c'est vraiment mettre à l'honneur une initiative comme ça de citoyens. Voilà, mais c'est la question elle est peut-être absurde de dire pourquoi on fait ça, mais et pourquoi pas. Oui, c'est un peu souvent la réponse quand on dit pourquoi, quand on n'a rien à dire, on dit pourquoi pas. Mais personnellement pourquoi moi je prends quand je dis pourquoi ça veut dire que j'ouvre une porte en disant allez l'humanité enfin tu vois on est au cœur de quelque chose qui se passe non, voilà c'est personnellement moi je veux dire pourquoi on le fait c'est dû au fait que on peut tous se retrouver dans la situation où les gens sont qu'on soit belge qu'on soit pas belge qu'on soit immigré qu'on ait la nationalité belge ou pas tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain à la rue en n'ayant rien. En sachant que tu peux avoir quelque chose et du jour au lendemain ne pas avoir. Et si tu peux aider quelqu'un en ayant, tu le fais. Tu dois pas te sentir obligé, mais tu te dois de le faire pour au moins te dire que j'ai au moins une conscience de savoir que autour de moi, ou là où je vis, il y a des gens aussi qui souffrent. Parce que tout le monde peut se retrouver dans la rue un jour ou l'autre. Personne n'est à l'abri. Même l'homme le plus riche du monde, il peut se retrouver claqué du jour au lendemain. Donc celui qui pense qu'il est à l'abri de ce qu'il pense. Mais là c'est pas vraiment des gens à la rue, hein. C'est dû à un système économique et politique qui fait que les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après il se fait qu'ils sont ici et que notre politique ne met pas en place quelque chose de normal pour ces gens. Enfin vous voyez, c'est pas simplement une personne dans. Il y a les sans-abri, il y a les immigrés, il y a un peu de tout. Et il y a des gens défavorisés aussi. On devrait aider tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dû à une politique aussi. C'est pas possible d'aider tout le monde. Mais si pourquoi pas? Mais un petit peu du sien, ça ira mieux. Mais il y a trop de gens dans le besoin. Mais vous croyez pas qu'une politique, que la politique aujourd'hui, avec l'économie, enfin, maintenant il faut. Super sociale. Il faut évidemment connaître évidemment un peu le social, la politique et l'économie pour comprendre qu'en fait, il y a un max de choses qui ne sont pas faites aussi. On est dans une société ultra-libérale. Je ne sais pas si vous... Enfin, comment vous voyez un peu les choses par rapport à ça ? Moi, je trouve que c'est une société très sociale chez nous. Ah ouais. Vous ne trouvez pas qu'on est occupé à tout perdre ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui viennent dans notre pays ? Parce que c'est dans un pays où il y a plein d'aides, justement. Vous croyez que les gens viennent pour ça ? Ils viennent ici pour ça, clairement. Vous dites pas que c'est parce que ils vont trouver du boulot et que c'est plus facile et que... Parce qu'ils savent qu'ils seront aidés ici. Voilà, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ce qu'on vient d'entendre, hein, ce micro ouvert qui démarre à peine, et dire deux choses. La première, c'est que se balader avec son micro à la rencontre des gens comme ça, ça ne se voit pas, mais vous savez, ces gens sont occupés. Je parle des bénévoles, des volontaires, il y a des réfugiés, il y a plein de gens là autour, ça bouge, c'est dans l'action. Hein, et donc moi, je m'amène avec mon micro, poser des questions comme ça, qui demandent des fois de se poser les fesses et d'aller... vous savez, c'est pas comme ça, simplement, il faudrait approfondir. Mais donc, ce qu'on peut retenir de ce qui se dit là, et même moi, des fois, je vais un peu vite, quoi, hein, c'est sûr... que nous sommes dans une société, on va parler de la Belgique, où il y a des aides, où il y a des droits aussi, c'est-à-dire que nos aînés, nos ancêtres se sont battus pour qu'il y ait des droits, ça c'est évident. Mais je pense, enfin la dame qui dit que les réfugiés, ou en tout cas que les gens viendraient en Belgique parce qu'il y a des aides, oui d'accord, mais c'est sûrement pas uniquement et seulement pour ça qu'il viendrait en Belgique. Et cette dame, en fait, m'a donné l'idée de poursuivre la suite, eh bien, en demandant directement aux réfugiés, puisqu'ils sont là, pourquoi ils choisissent la Belgique plutôt que la France, la Hollande, l'Allemagne. Mais vous savez, sans vraiment demander « est-ce que vous venez en Belgique pour des aides ?» Non, c'est vraiment genre « mais tiens, pourquoi toi qui viens de si loin ?» C'est pas tout près, hein, ces gens viennent d'assez loin quand même. Pourquoi la Belgique ? Ça a été ça l'idée de départ, voilà. Alors qu'au fond, c'était un peu un micro ouvert pour mettre en avant aussi cette bande de jeunes qui se mobilisent, font acte de présence là pour aider quoi. Et c'était ça l'idée aussi de départ. On va essayer de leur demander. Hein. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui parlent français. Et vous alors ? Il y en a beaucoup qui parlent français. Hein. Vous dites ? Il n'y en a pas beaucoup qui parlent français. Alors on va trouver une traduction. Hein. On va devoir se débrouiller. Et vous alors ? C'est quoi un peu ? On peut partir carrément ailleurs. Hein. On n'est pas obligé de suivre. Mais qu'est-ce que vous faites là au fond ? C'est votre religion qui vous oblige à faire votre BA ou... Non, certainement pas. Athée. Je crois en l'humain. Voilà. Si chacun fait quelque chose, on peut y arriver. C'est tout. Merci. Quelque chose à rajouter sur tout ça ? Pardon ? N'hésitez pas, n'ayez pas peur, hein. Je vous ai cassé. Moi, non, non. Moi, avec ma politique économique, sociale, la politique, je ne veux pas rentrer dans les affaires politiques économiques parce que personnellement, la politique et moi, on n'est pas très potes. Mais moi, je ne parle pas de la politique des partis, je parle de la politique du vivre ensemble. La politique du vivre ensemble, moi, je suis pour. Mais elle est limitée parce que tout le monde, on va dire, si tu n'as pas assez, tu ne peux pas donner ce que tu ne peux pas donner à quelqu'un. Si tu n'as pas assez pour toi-même. Donc, oui, c'est logique, là. Hein. C'est un peu logique, parce que si je vois que j'ai un euro et que l'autre qui me demande un euro, je ne pourrais pas lui donner un euro. Mais la politique du vivre ensemble, ouais. S'il accepte de prendre 50 cents, parce que des fois, tu lui proposes même 50 cents, ils ne veulent pas. Mais je suis pour la politique du vivre ensemble et de pouvoir aider chacun. Et ça fait plaisir de voir que, voilà, même des gens qui ont... On voit des gens qui n'ont pas des difficultés, mais qui viennent quand même se servir pour pouvoir apprendre. On voit que ça peut aider aux gens. Si tu peux aider, il faut aider. Il ne faut jamais se refuser d'aider quelqu'un. Parce que tu ne sais jamais, le jour que tu as aussi besoin, tu vas dire à ton voisin, il va te dire, je vais t'aider. Ça, c'est normal. Et cela dépend aussi des mentalités et de l'éducation que les gens ont. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent aider, mais ils ne voudront jamais. Parce qu'on peut parler de politique sociale et tout, mais l'éducation aussi a à voir dedans. Si tu n'as pas d'éducation, de savoir que tu peux aider ton prochain. Mais si, il y a le jour que tu seras, notre cité t'aidera pas. Mais peut-être, qui sait, les gens avec qui tu traînes ne t'aideront pas. Peut-être celui qui a moins que toi te donnera. Donc, il est normal d'aider les gens. Et la politique du savoir vivre ensemble, il faut savoir le faire. Et il faut que beaucoup de gens se rappellent de ça. Ça, c'est les bases aussi primordiales, l'éducation. Parce que si l'éducation ne suit pas, c'est super compliqué. Donc voilà, c'est mon point de vue, quoi. Quelques personnes d'ici pouvaient... Il y a des affaires, non ? Un petit mot sur, genre, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Moi déjà, bon, à la base, via une personne sur Facebook, j'ai pris connaissance de l'événement. Et voilà, moi, j'ai une certaine croyance, mais c'est surtout en fait, moi à la base, je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas voir les autres souffrir. Donc je me dis que je me dois de les aider. Pour moi, c'est un devoir en fait. Ça vient vraiment du cœur. Donc pour moi, c'est facile de faire tout ça. Pour moi, c'est essentiel. C'est comme boire, manger, dormir, sont des choses élémentaires. Pour moi, aider son prochain, c'est élémentaire. Et tant que je pourrai apporter ça, tant que je pourrai aider, je le ferai, sans hésiter. C'est beau, hein, c'est vraiment vrai ce que tu dis, ou bien c'est de la théorie ou... En tout cas, non, là, t'es dans le concret aujourd'hui. Hein. En plus, il fait froid, quoi. Moi, je fais, en fait, avec des amis, on fait aussi ce genre de choses. Et quoi, tu dis ? Avec d'autres personnes aussi. J'ai déjà eu l'occasion de faire ça aussi à Liège. On donne aussi à manger de la nourriture aux SDF. On prépare, on leur parle, on discute avec eux. Certains sont même sortis de la rue. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Parce qu'on peut parler de la politique et tout ce genre de choses, mais ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes dans notre propre ville. Et Bruxelles, c'est la capitale. Et pour que les autres villes, on va dire, émergent aussi, il faut que ça commence d'abord dans la capitale. Vous voyez ? Ça doit commencer par le noyau, par la source. Et à partir de là, on pourra faire des grandes choses. Et puis s'il y a une, deux, trois personnes qui se lèvent, à un moment donné, les autres aussi vont suivre. Mais il faut que certaines personnes prennent conscience, en fait, qu'il faut bouger. Il faut plus se contenter de parler, mais il faut maintenant agir. Parce qu'on nous a donné, on a la capacité d'agir. Même la plus petite chose que tu peux faire, il faut la faire. C'est juste, en tout cas, ça me parle ce que tu dis, vraiment, c'est bien. T'es là depuis quelle heure, toi ? Moi, je suis là depuis 10h. 10h du matin ? 10h du matin, oui. Il est bientôt 15h et il fait caillasse ? Oui, il fait caillasse, mais c'est pour le bien-être de certaines autres personnes, donc moi, ça ne me dérange pas. Souffrir pour les gens, moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'eux souffrent. Ils sont dans la rue peut-être depuis des jours, des semaines, sans soutien moral, psychologique. Et quand ils voient qu'il y a des personnes qui bougent comme ça, ça dans leur cœur, ils doivent avoir un certain enthousiasme. Et c'est ce qui me ravit. Moi, voir mon prochain heureux, ça me rend heureux. Et c'est ce qui me motive, en fait. C'est une motivation pour moi. Et voilà, simplement. J'espère que ça vous a aidé. Je vais continuer, hein. Et je vais trouver aussi la personne qui a organisé tout ça. Attendez, je vous suis... Merci tout le monde, en tout cas. Hein. Je vous suis. Oui, je vous suis à votre aise. Country God, hallelujah. Qu'est-ce que vous faites avec votre micro, vous ? Je prêche la parole de Dieu. Un DJ ? Jésus-Christ. Non, il parle de Jésus-Christ. Attendez, parce que là, je suis pas... Attendez. Vous êtes Jésus-Christ ? Ah oui, vous avez une Bible et tout. Voilà, je suis évangéliste, ouais. Ok, d'accord. Attendez, moi je vais voir. Je vais voir ailleurs. Ah, vous êtes là. Attendez, je vais donner ça aux femmes. Ah, elle est là, Victoria, c'est elle. Victoria, bonjour Victoria. Alors, c'est toi qui as organisé un peu toute cette idée. Oui, c'est ça, voilà. J'ai eu l'idée, j'en ai parlé à Margot. De là, on a vraiment décidé de se mobiliser, d'organiser au maximum l'événement. On a fait une demande d'autorisation au bourgmestre, on a été voir les policiers de Scarbet qui nous ont encore donné des conseils, qui étaient vraiment derrière nous, qui nous ont rappelé. D'ailleurs, il y a un combi de policiers là. Oui, il est là depuis ce matin. C'est génial, il est là depuis ce matin, il est arrivé, enfin les policiers sont arrivés, ils nous ont directement donné des informations hyper claires, des bons conseils pour si jamais faire face à certaines histoires qui pourraient mal tourner, etc. Donc oui, depuis tantôt, ils nous encadrent vraiment. Dès qu'il y a un petit souci, ils viennent voir, ils calment un petit peu. Mais il n'y a rien eu, il n'y a eu aucun problème. Vraiment, il n'y a eu aucun problème. Juste à un moment, certaines personnes qui rentraient dans les stands et qui commençaient un peu à foutre, entre guillemets, le bordel. Et du coup, de là, les policiers les ont un peu calmés et c'est tout. Mais il n'y a vraiment eu aucun problème. Donc ça, c'est trop bien. Et tu peux un peu expliquer qu'est-ce qui t'a pris par la tête, là, d'organiser tout ça ? Ben en fait, j'ai toujours été hyper sensible quand je croisais des personnes démunies dans la rue. Et je me suis dit que si on faisait rien, ben, que si on s'entraide pas entre nous, qui le fera? Donc voilà, j'ai une poussée d'adrénaline et je me suis vraiment dit on est tous humains, on est tous égaux, il faut s'entraider entre nous, sinon ça n'ira jamais, et faire le maximum qu'on peut, quoi. Voilà. Et alors quoi, t'as lancé ça sur les réseaux sociaux? Oui, exactement. En gros, j'ai lancé ça pour Namur. L'idée, c'était de dire arrêtons d'être sur nos smartphones, la tête dans nos smartphones. Non, c'est pas toi ça? Ah non, c'est pas moi. Ah, ok. C'est pas moi. Non, c'était quoi le message sur les réseaux sociaux? Le message, c'était vraiment la solidarité, on est tous ensemble, on voit tout ce qui fait hyper froid, c'est un hiver très difficile, on est tous égaux, il faut vraiment s'entraider entre nous, donc ne laissons pas ceux qui sont dans la misère, essayons de les aider le plus possible à notre échelle, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un message solidaire et un message aussi d'acceptation et d'amour universel pour vraiment s'entraider, s'accepter et arrêter de se juger par nos différences, voilà, sur nos différences. Et puis tu postes ça sur le réseau social et puis qu'est-ce qui se passe? Alors je poste ça sur le réseau social, de là des partages de partout, vraiment. Oui, un truc de dingue quoi. Un truc de dingue quoi. C'était vraiment inattendu, ouais, vraiment quoi, un truc de dingue. Ça t'a fait quoi de voir que ça prenait comme ça? Ben encore une plus forte poussée d'adrénaline et encore plus d'espoir en l'humanité en se disant mais en fait il suffit juste de lancer le mouvement, l'initiative et les gens suivent parce qu'en fait il y en a plein qui n'attendent que ça, qui n'attendent vraiment que ça. Donc ça fait chaud au cœur quelque part. Exactement, exactement, exactement. Ça fait plaisir parce qu'on a tendance à souligner souvent le négatif quoi et là ouais. c'est quelque chose de hyper spontané, t'es toute jeunette. Ouais, c'est vrai. c'est vrai, tu lances quelque chose spontanément et boum ça prend quoi. C'est exactement ça, voilà, c'est vraiment trop trop bien. Ça donne foi. Ça donne vraiment foi, complètement. Voilà. Bon, quelque chose à dire d'essentiel encore sur tout ça? Alors, moi je suis fan d'une phrase d'Albert Einstein, si je peux la dire, qui est « La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il donne, à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il donne. » Non, je vais aller vérifier la citation. Ouais, vérifier, puis, et puis après ouais, on recommence. On recommence, Regarde. Et c'est qui ce garçon là au milieu Tu sais pas? J'ai compris que c'était un monsieur qui parlait de la Bible. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec nous ça. Je l'ai ici. Voilà, je l'ai dans 2 secondes. Non, moi je vais voir le bonhomme. Ça marche. Ah, mais ça y est, je l'ai. Tu es là ? Donc c'est... la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Voilà, Albert Einstein. Ouais, donc il dit, cette phrase dit en gros que c'est plus important de donner que de recevoir, c'est ça ? Oui. Tu l'entends comme ça ? D'aimer de manière désintéressée, je pense, surtout. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, dans l'absence de jugement, de critiques sur nos différences, etc. Tu fais quoi à l'école, toi? Moi, je suis étudiante à l'IEX. Je suis étudiante à l'IEX en communication, du coup. Et là, je suis en Master 1 publicité. Rien à voir. Oui, rien à voir. Mais je compte utiliser comme quoi, ça... Comme quoi? Mais je compte utiliser ça positivement. Hein. Ne pas rester dans un milieu superficiel et faux et mauvais. Donc voilà, avoir super. Un impact positif. C'est super, c'est Espérons. Super. Et ouais. tu parles anglais, toi? J'ai des cours d'anglais, de néerlandais. Tu parles bien? Ça va, j'essaye. Sans plus, je pourrais compter sur toi pour rencontrer un peu les gens. Parce qu'en fait, au premier stand, là, on s'en fout de qui quoi, mais il y a des gens qui pensent vraiment que les réfugiés, quand ils viennent ici, c'est parce qu'il y a des allocations. Donc les réfugiés qui viendraient jusqu'ici, qui risqueraient leur vie, blablabla, c'est parce qu'ici, il y aurait des allocations. J'aurais envie de poser la question, mais tiens, pourquoi vous venez ici, en fait? Pourquoi vous êtes arrivés? Juste cette question, pourquoi vous débarquez ici en Belgique? Okay. On essaye ? Ouais, on essaye. T'es sûr ? Tu le dis ? Si ça va pas ? On va aller où il y a moins de... Enfin non, viens, on va aller là. Bah, y a pas encore. Parce que j'ai pas envie que ce soit truc chaud. Mais peut-être qu'il y en a qui parlent français. Bonjour, bonjour. Bonjour. Parlez français ? I speak French ? English ? No ? Ok. On va demander à d'autres personnes alors peut-être. No English ? Little ? Little ? Allez, on essaye. De poser la question, okay. Bon, c'est un truc, pourquoi la Belgique? Pourquoi vous êtes arrivé en Belgique? Okay. Why did you leave your country? Why? What was the problem where you lived? In your country, there was a problem. Soudan? Yes. Il vient du Soudan. Okay. And why? Pourquoi la? Pourquoi? Why are you here in Belgium now? Yeah, proxy. Yes, but why? Sudan, Belgium. What was the problem? What is the problem? Non, il comprend, on comprend pas. Mais c'est, mais c'est pas quel est le problème. Hein. C'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi les gens. Parce que moi, enfin voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent s'ils ont envie de venir ici. Mais il y a des gens qui sont persuadés que c'est pour que c'est pour les allocations. Mais je veux dire, c'est complètement. Mais ça, c'est difficile de poser. Comment on pourrait poser cette question alors? Mais de dire voilà, pourquoi vous êtes arrivé en Belgium et pas la Hollande par exemple, la France okay, ou l'Allemagne? Les chargements? Oui, vous êtes là? Et il faut combien de personnes? Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses. Allô? Je t'entends pas. Comme un mariage. Comme un mariage. Tu pars? Tu pars? Ah, Sarah. Oui. Et toi? Ça va? Ça va? Tu pars, Victoria? Apparemment, elle a appelé de part. Vic, t'as appelé, je crois. Ouais, alors que... Tu y vas? Tu t'en vas? Non, voilà, c'est bon, je suis là. On continue? I come back. Allez, on continue. Ouais, on continue. Ça marche. Please, vous parlez français? Non, oui, oui. Vous n'êtes pas concernés ici? Quoi? Vous n'êtes pas concernés ici? Vous êtes concernés par les fringues? Non. Tu le connais? Non. Non, pas du tout. Ici, ici. Ici, deux. Ah oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Vous parlez français? Non. Oh. Ils viennent du Soudan, eux. Mais lui, je comprends pas ce qu'il fait. Bah, il rameute des gens par rapport à la Bible et tout ça. Il est un peu allumé, quoi. En plus, j'en ai appelé. Il y en a deux. Trois. Ah. Ça parle clair. Vous parlez français? Non, je ne peux pas intervenir. Vous... Ça va? Oui. Vous avez trouvé Victoria? Oui, oui. On a parlé un peu et on était occupé un peu à rencontrer les réfugiés parce qu'il y a des gens qui aident et qui pensent. Mais comme ça a été abordé juste une fois, mais bon, c'est quand même une pensée qui est récurrente pour dire que les réfugiés, s'ils viennent ici, en Belgique, c'est parce qu'il y a quand même pas mal d'allocations. Mmh. Et du coup, j'avais envie de poser la question aux gens, aux réfugiés. Peut-être existe-t-il deux types de réfugiés? Ben oui, mais en même temps... Je pense pas qu'ils pensent aux allocations de là-bas où ils sont. Hein. Je pense pas qu'ils sont même au courant du système belge. Eux, ils viennent pour fuir ce qu'il y a là-bas. Ils viennent pas pour ce qu'il y a ici. Oui, c'est... En principe, même s'il vient pour une allocation, il fuit quelque chose qu'il a pas là-bas. Mais je pense même pas qu'ils ont cette notion d'allocation. Enfin, déjà, il y a plein de Belges qui sont pas au courant. Alors eux qui viennent de là-bas, il y a une rumeur d'Europe. Il y a une rumeur de l'Europe. L'Europe, nanani, nanana, il y a une rumeur. Oui, moi je pensais que l'Europe c'était vrai. Genre, bah, c'est des pays riches et qu'ils viennent parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir facilement la possibilité de trouver un travail, quoi. Ouais, ça oui, mais c'est une réalité aussi, hein. C'est aussi vrai qu'en Europe c'est plus facile quand même que dans les pays en guerre, justement. Enfin, c'est pas faux, c'est pas un mensonge. Tu parles anglais, toi? Ouais. Tu t'as le temps, là, de deux minutes? Ouais. Parce que l'idée... Donc c'est quand on rencontre un réfugié, mais en gros, c'est rare qu'il parle anglais, donc je ne sais pas si ça va vraiment marcher, notre idée. Et de dire, mais tiens, why, comment ça se fait que tu es ici en Belgique, pas en Allemagne ou pas en Hollande? Voilà, c'est juste ça, c'est cette question. Ouais, pas de souci. Je vais juste donner les sacs poubelles à Margot, du coup, parce qu'on doit les garder pour après. Et pour essayer de démonter cette image que le réfugié, il serait ici pour toucher les allocations tranquillou dans son fauteuil. Il y en a un qui est là depuis ce matin, avec qui on a bien rigolé, qui lui vient d'Alep. Et il m'a un peu raconté qu'il est venu, on l'a amené à Chimay, qu'il s'est marié, il a eu son enfant, enfin ça fait quelques années qu'il est là. Que lui voulait travailler justement, il a eu un accident, etc. Mais enfin voilà, c'est avec plaisir, on va okay, voir les gens. Je vais juste donner ça à Margot. Oui, d'accord. Margot, je l'ai remarqué tout de suite que c'était maman. J'ai pas osé le dire, mais j'ai crié. Et il est marrant, le monsieur, là. J'ai envie d'écouter. Quelle est la maladie? Essayez une fois, Jésus-Christ. Continuez, on écoute. Yes. Ici en Belgique, c'est le pays de la paix. Ce pays, le royaume, chaque pays qui a du royaume, ça veut dire qu'il présente à Dieu. Donc, il prie que tout l'étranger et prie la paix pour ce pays. Et citoyens aussi, ils veulent prier pour votre pays parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Donc, il faut que tu pries que Seigneur peut-être notre pays. En fait, il faut prier en gros, c'est ça que tu dis. Voilà. On comprend pas bien tout. Yeah. Faut prier que le Seigneur protège ton pays pour l'étranger qui vient. Prier aussi que le Seigneur bénisse ce pays afin que les citoyens ne veulent pas se manquer des choses. Je comprends pas tout ce que tu dis. You want to speak English? No. Ah ouais, mais elle. Yeah. Attends, on va lui demander. Alright. Parce qu'il parle en français, mais des fois on comprend pas ce qu'il dit en français, alors il veut bien le faire en anglais. Voilà, explique, yeah. C'est quoi ton message, toi, parce que je... My message is peace. Paix. Ça t'a compris, ouais. Yeah. Jesus Christ is a peace. Que Jésus, c'est la paix. Yeah. Ah, tu l'as rencontré? Yeah. Yes, and the Bible says that he is the way. Demande-lui s'il l'a rencontré, Jésus. She's asking if you met Jesus. Oh, yes. 1999, before the millennium, 2000, I met Jesus. I met Jesus. En 2000, il a rencontré Jésus. Ah ouais? Where did you meet him? by the prayers. En priant. Ah, yes. Voilà. Il demande c'est quoi son message ici, pourquoi? My message is, all the strangers, my message said, to the stranger, to the stranger. Say it in English, I will translate. My message is, all the strangers that has come here in Belgium must come in peace, because Belgium is a peaceful country. Il dit que son message, c'est que tous les étrangers qui viennent en Belgique doivent venir en paix, parce que la Belgique, c'est un pays de paix. C'est joli ça, non? Ouais. C'est une bonne idée. Yes, but I also want the Belgium citizens to pray for their nation. Et il veut aussi que les Belges prient pour leur nation. Yeah. Okay, okay. We have the police, we have the military that they protecting us, that they can't do alone. We also have to do our part. Il dit qu'il y a la police, il y a les militaires, mais ils peuvent pas le faire tout seuls. Nous aussi, on doit prier. Nous aussi, on doit être bon. That's it. Okay. There's a message, and important is to know Jesus Christ. Et c'est important de connaître Jésus. Ouais, Bible, ça, bon. Yeah, the Bible says he's coming again soon. Que la Bible va revenir bientôt. La Bible dit qu'il va venir bientôt. Qui va venir? Jésus-Christ. Ah, génial. Où? Yes. Dit, c'est quand? Tu me préviens? Tu me préviens quand il vient? Non. La Bible dit. The Bible says that when you see the war, the famine, the earthquakes, and the problems, means that is the beginning. He's coming soon. Okay. La Bible dit que quand tu vois la famine, quand tu vois la guerre, quand en gros la fin approche, c'est à ce moment-là que Jésus va revenir. Ok. Ça va. This is what we are now. C'est ça qui se passe maintenant. You see? Okay. So we Christians, we know that he's coming soon. That's why we are preaching the people to change from their bad attitude. Dis-lui que nous, on n'est pas vraiment là pour parler de la Bible, mais qu'on va donner la parole aux réfugiés. Yeah, she says we're not really here to talk about religion, but you have a great message. We're here to talk with the refugees and asking why they're here. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm doing to the refugees. The message that they want is welcome. C'est pour ça que lui, il est là pour dire aux réfugiés qu'ils sont là, bienvenus, etc. Yeah. Et dis aussi qu'il y a plein de gens de ton groupe à toi qui sont libres, qui ne croient pas spécialement, j'imagine, en Jésus, mais qui trouvent... c'est peut-être intéressant aussi que tu lui dises... qui trouve... Tiens, pourquoi tu fais ça au fond, toi? Pourquoi t'es là? je dois traduire, je dois faire quoi, là? Non, dis-moi pourquoi t'es là, toi. Yeah. Moi, pourquoi je suis là? Bah, parce qu'il faut être solidaire et parce que... Y a... Qui dit ça, il faut? C'est quoi ce « il faut » La bonne conscience. Alors, moi, je suis croyante, du coup. Ah, voilà. Croyant ou pas croyant. Crois en Jésus? Je crois en Jésus, mais pas de la même façon que monsieur ici. Comment? Pour moi, je suis musulmane. Pour moi, Jésus, c'est un prophète. Mais c'est, toutes les religions sont la même. Toutes les religions disent la même chose. Mais c'est ce que je disais, hein, que ce soit religieux, que ce soit karma, que ce soit tout le monde, on a la conscience du bien et du mal. Et je pense qu'à partir du moment où on fait les choses en pensant bien faire, ben, c'est ce qu'il faut, c'est tout gagné. Le problème, c'est la fin de tout ça. Quand ils sont venus ici en Belgique, il n'y avait pas de papier. Ils sont comme ces gens-là. Ouais. Ah ouais. Il n'y avait rien. Yeah. Il dit la vérité. Combien d'années, ça? Ça fait 22 ans que je suis en Belgique ici. Okay. Ouais, 22 ans que tu es en Belgique. Okay. Ouais. Et demande pourquoi tu es venu en Belgique. Pourquoi Belgique, pas l'Allemagne, la France? Pourquoi la Belgique? Ouais, parce qu'il y avait le sœur d'Angleterre. Angleterre. Ouais, Angleterre. Yes. Et je suis venu en Hollande pour partir en Angleterre. J'étais jeune. Et avec la façon de têtu, comment dire, les jeunes, j'étais 20 ans à l'époque. Maintenant, je suis 42 ans. Je n'ai pas compris, moi. Il était têtu, mais il n'a pas fini sa phrase. Yes, I supposed to go to UK. But when when I come here in Holland, because I was young, I see my friends, and I guess forget my sister, and I guess try to do my own life. Because I was 20 years, now I'm 42. Okay. En fait, à la base, il était censé aller en Angleterre, puis il est passé par l'Hollande, et puis quand il est arrivé ici, il dit, voilà, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais têtu, et puis je me suis dit, ah, je vais faire ma vie, et il s'est arrêté ici, et voilà. Voilà, donc l'idée des allocs, elle tombe à l'eau, d'accord? À la base, il allait pour l'Angleterre, du coup. Oui, voilà. Yeah, and now I'm here in Belgium, I have a wife and six children, yeah, 6 enfants. S'ils sont belges, yes. Il a une femme et 6 enfants maintenant, ils sont belges. Voilà. So, comme quoi I'm aidé, and it is a bon pays. Et ça que nous sommes là pour prêcher l'évangile. We preach the gospel of Jesus Christ to let the people know that Jesus is important. C'est ça qu'il dit. And when I come here, I don't have pas de papiers comme cette les gens là présents. And aujourd'hui, il y en a. Le bourgmestre avec l'État, le gouvernement, qui, comme s'appelle, le premier ministre italien, comme s'appelle, avant. Anne. Non, dis-le pour monsieur. Ah ouais, le ministre Di Rupo. Son temps qu'il avait le papier. Ouais. Maintenant, Dieu veut bénir lui, veut bénir tout son groupe et le pays. Mais ça, ce n'est pas l'amener lui dans le paradis. This cannot bring him to paradise. Pour partir au paradis au ciel, c'est faut accepter Jésus qui donne tout ce qu'on parle. C'est tu fais le bon boulot, elle fait le bon boulot, tout le monde. Mais si tu as envie à contrôler Dieu un jour, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. C'est okay. Ça qu'on parle. Mais moi, je continue avec mademoiselle parce qu'elle parle anglais. Et j'ai envie de rencontrer les réfugiés un peu pour sortir de cette idée. Mais oui, on fait tous la part et voilà, c'est génial. Et c'est génial. Bien, on essaye de rencontrer. T'as compris un peu l'idée alors, hein? T'as vu, monsieur là, il a l'air en Angleterre. Et ce qu'on fait là, il va y avoir une trace de ça, hein? Tu sais ça? Pas de soucis? Monsieur? N'oublie pas Seigneur Jésus-Christ. Ah. Hello, bonjour. Est-ce que vous êtes des réfugiés? Vous venez d'où? English? Yeah. Where are you from? Ethiopia. You're a refugee here? Yeah. She has some Une question questions. Simple, hein, tu vois, comme ça, c'est simple, t'as compris. Hein. She just asked, it's a simple question. Why Belgium? Why did you come to Belgium? What was the idea? Was it like... Pas l'Allemagne. Did you know you wanted to come to Belgium or was it like first country you... Rest. Sorry? Rest. You didn't come rest. Yeah, but and why Belgium and why not like France or Holland or why Belgium? Belgium... Pas pour le climat, pour rire. Sorry? Try. In go to England, try. You tried to go to England? Yeah. England was the destination? Yeah. Oh, okay. En fait, leur destination, c'était encore pas l'Angleterre. Mais pourquoi l'Angleterre, justement? On m'avait dit, pourquoi. Family. Qu'est-ce qu'il y a en Angleterre? Work. Travail. Il y a la famille et il y a le travail en Angleterre. Voilà, allocation. Ouh, tu vois, maintenant, mais voilà, hein. Belgium is good. Yeah, but she tries to show to people who think that refugees are coming to get like easy money with doing nothing, that it's not true. She tries to show to people that it's not with this idea that refugees are coming to Belgium. Belgium is a good country. Belgium is a good country? Police, people is racist. In France. Il dit qu'en France, les gens. Il dit la Belgique c'est un bon pays, en France les gens sont très racistes. Calais people. À Calais. In France, in Belgium people, good. Et l'Allemagne? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'Allemagne? Deutschland. Jamais. Germany. Qu'est-ce qu'on dit sur l'Allemagne? Did you went to Germany? No, Germany. No. Thank you, hein? Very thank you. And take everything you need, and if you want. En fait, tu parles super bien anglais. Bah, j'ai fait mes études. Et puis j'ai bien parce que c'est très. Tu vas vite, bah, oui, c'est chouette. Mais parce qu'en même temps, si tu le prends 3 heures, ils vont en avoir marre. Bah, oui, mais voilà, c'est bien. Ici. Hello. Ça va, français? Oui, français un petit peu. Réfugié? Oui. De où? Je suis Afghanistan. Et pourquoi t'es venu en Belgique? Pourquoi la Belgique et pas un autre pays? Pas l'Allemagne, la Hollande ou la France? Pour ici, c'est venu parce que c'est les gens, c'est très gentil, c'est un beau pays. Et quand tu étais en Afghanistan, tu avais l'idée de venir en Belgique? En Afghanistan, nous, c'est quand en Iran, j'habitais. Quoi? En Iran. En Iran, t'as ouais. En Iran. Après, je suis venu ici. Mais quand t'as habité combien de temps en Iran? 6 ans. 6 ans. Et quand t'étais en Iran, quand après t'es venu ici, dans ta tête, tu voulais venir en Belgique ou juste en Europe? En Europe, c'est après, dans le voyage. Ouais. J'ai demandé les gens, ils se sont dit qu'à Belgique c'est beau pays, les gens sont gentils, après je venais ici. Ok, ça va. Okay, okay. Et c'est vraiment vrai, les gens sont gentils? Oui, c'est gentil. C'est, maintenant, j'ai reçu 3 fois négatif. Ouais. Pour tes papiers? Ouais. C'est les gens, c'est beaucoup les aider, moi. C'est pour la place dormir, autre chose, pour manger, les tours, c'est ça. Les gens sont solidaires. Ouais. Un peu difficile, c'est pour papier. Ouais. C'est mon pays aussi, c'est la guerre, toujours. C'est difficile, je ne sais pas faire quoi. Ouais. Merci, okay, en tout cas. Merci. Donc voilà, il y a déjà... ici, monsieur, vous parlez français? English? Yeah. Where are you from? Sudan. Sudan. Yeah. You're a refugee over here? Yeah. She's asking why did you come to Belgium? Like, was it was it your plan to come to Belgium or just like in Europe? No, I am going to... I want to go to England. England. Also, everybody wants to go to England. Why England? Yeah, because we have Dublin, you know, finger... Oh yeah, here in Belgium. No, in Italy. England? In Italy. Italy. Yeah. Okay. And every country, if we ask the people here, yeah, they say no. Yeah. Back to Italy. Back to Italy. And why do you want to go to England and why not Italy? Italy, you cannot find work. Okay, so you want to work. Pourquoi vous voulez aller en Angleterre? And why did you want to go to England? Why was England your plan? They don't say go back in Italy. Oh, ok. Yeah. En fait, donc je sais pas si tu sais, quand les réfugiés ils viennent en Europe, le premier pays dans lequel ils se font entre guillemets choper, ils doivent mettre leur empreinte pour avoir une trace. Et en fait, le pays où ils mettent leur empreinte et où ils ont la trace, c'est là qu'ils doivent rester. Ouais. Sauf qu'en fait, s'ils passent la frontière de l'Angleterre, en Angleterre, ils sont pas renvoyés en Italie. Que nous, ici, en Europe, l'Union Européenne, etc., ils sont renvoyés en Italie s'ils se font choper, mais en Angleterre, pas. Du coup, c'est pour ça qu'ils veulent aller en Angleterre. Et ils veulent pas rester en Italie parce qu'en Italie, en fait, il n'y a pas moyen de trouver du travail comme ailleurs. Donc voilà, c'est... Okay. Ça va? Thank you. T'as froid? Thank you. Comment on dit en froid? T'as froid? Is it cold? Are you cold? Yeah, before, but today I am very... T'as une bonne veste. Il a trouvé une chouette veste aujourd'hui. Cool. C'est cool, c'est cool. Yeah. If you want something hot, they have soup over there and hot drinks, coffee and all that stuff. The last... We found anything. All right, perfect. Thank you. Thank you very much. Excellent quand même, tu vois. Hein, donc cette idée... C'est pour ça l'Angleterre, je ne savais pas. J'avais entendu ça, j'avais déjà entendu qu'ils y allaient vraiment pour quelque chose au niveau de la loi où c'est tranquille pour eux, quoi, ouais, tu vois. Ça, en fait, ils ne sont pas renvoyés dans le premier pays où ils ont dû mettre leur empreinte. Je ne savais pas, c'est cool. On fait encore un peu? Comme tu veux, moi je te suis. T'es sûre? Ouais, moi je suis là. Monsieur? Madame? Non, ah, ouais. Mais c'est pas grave. No, where are you from? We're from Iraq. Refugee? From where? Iraq. I am a refugee. Iraq. Oh yeah, you're a refugee. All right. she have a picture? No, yeah, no, d'image. Just like the sound. It's just like to change people's mind that people are coming to Belgium to like have easy money and just paper and do nothing. She tries to find people that explain why they came to Belgium and why Belgium and not another country. Okay, we was living in Finland 2 years ago. Where? I was in Finland. Il y a 2 ans, il était en Finlande. Ah ouais? Yeah, in Finland 2 years ago. Il vient d'où? De Irak. Irak, hein? Yeah, Iraq. Yeah, and I want to go to London because if I stay here in Belgium, Belgium send me to Finland because I have fingerprint. Yeah. And you want to go where? To London. Voilà, la même chose. Donc il veut aller en Angleterre. Incroyable. Parce qu'il a été en, il était en Finlande pendant 2 ans ou il y a 2 ans. Ouais. Et ils veulent aller en Angleterre, à Londres, parce que s'ils restent en Belgique et qu'ils se font choper de nouveau, la même chose par rapport aux empreintes, ils sont renvoyés en Finlande et du coup ils veulent aller en Angleterre. Ouais. Et c'est pour ça. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a en Angleterre qui attire? C'est vraiment. Why do you all want to go to England? Why is it all the destination that everybody wants to go to? Because I speak English, maybe I get work there, and England's better than some countries. You see, they don't send me to to Finland. Yeah, but if like, donc il disait que comme il parle anglais, il pourrait plus facilement trouver du travail là-bas et qu'il le renverrait pas en Finlande. Il y a aussi la langue, c'est vrai. Il y a aussi la langue. Hein. But what if like you didn't have your fingerprint in Finland? Yeah, I stay in Belgium. Oh, si. Ok, why Belgium? Because it's best, because people Belgium is best in world. Voilà, bah du coup, s'il avait pas eu ses empreintes en Finlande, il serait resté en Belgique. Et la raison, c'est parce que les Belges sont, c'est les meilleures personnes, il dit. Parce que, mais en même temps, c'est vrai. Franchement, on a cette réputation d'être des gens hyper accueillants. Là, tu te mouilles, hein? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Franchement, quand tu regardes l'événement, l'ampleur qu'il a pris, c'est trois filles de 1m50 qui ont organisé ça, qui font 20 kilos. C'est pas partout que ça se fait. Franchement, faut dire la vérité, les Belges, ils sont très Et nationaliste un peu. Ben, pas spécialement. Tu crois pas que c'est universel d'être solidaire? Tu crois que ce serait plus un pays qu'un autre? Franchement, demande à un Français si son pays est aussi accueillant, il te dira pas ce qu'un Belge te répondrait. Parce que les Belges, on le sait, on a cette image, même dans toute l'Europe, d'être un peu concon, être un peu tout gentil. Mais finalement, il n'y a pas de mal à être concon et à être gentil, quoi. And when I married and I have kids, I told to my kids, people Belgium is best in world. Tu vois, il dit quand il sera marié, qu'il aura des enfants, il dira à ses enfants que les Belges sont les meilleurs au monde. Excellent. I hope it's come back my time. I don't have fingerprint. I stay in Belgium forever. Il aurait voulu ne pas avoir ses empreintes et rester en Belgique pour toujours. Because I was in Finland, I was in Swedish, I was in Denmark, I was in Germany. I never see people like Belgium. Voilà, il a fait donc tous les pays qu'il a dit, hein, la Finlande, la Suisse, j'ai oublié les autres pays, et il dit qu'il a jamais rencontré des gens comme les Belges. Mais quoi, du coup, quand on prend les empreintes, ça veut dire qu'on vous attrape et que vous le vouliez pas, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, quand ils sont attrapés, ben, ils doivent faire leur demande de réfugié dans le pays auquel ils ont été chopés. Voilà. Okay. Quelque chose encore à dire de spontané? À part que les Belges sont bien, à part que les Belges sont bien. I say about people Belgium, it's people Belgium. Oh my God, it's very. Except this, we understood this. You said it like. But what I say about. Something that's on your mind. Demande, right, c'est pas trop difficile d'être réfugié à la longue. Is it not like too difficult and like to be a refugee, like to? Yeah. Sometimes it will be difficult because all Europe, if you don't have paper, you can't leave. Yes, you can't leave without paper because it's difficult to leave. It's difficult to leave. Yeah. T'as compris? Voilà, en gros, il dit que effectivement, enfin, ça devient difficile. Enfin, c'est difficile parfois d'être réfugié parce que dans toute l'Europe, sans avoir de papiers, c'est difficile pour vivre, tout simplement. Voilà. Et toi, ça va? Ça va. Quelque chose à dire? He don't speak English, I translate. Oh, il parle pas anglais, c'est pour ça que. Il parle quelle langue alors? Quelle langue? Which language does he speak? Arabic, like me. Arabe. Ok. It's from Iraq too. Thank you. Wow, le froid s'est réveillé, non? Depuis ce matin, hein. Depuis ce matin, il fait bien froid. J'ai l'impression. Ouais. Tu t'appelles comment ou bien tu veux pas de donner? Si, Nour. Nour. Voilà. Mais t'es bien sympa, Nour, un vrai bon. Hein. Merci. T'es là aussi depuis ce matin, ouais, aux petites heures. Depuis 9h du matin. Allez, c'est bien, quoi. Ouais. Bah, c'est bien, moi, ça me fait plaisir de voir que les jeunes. Franchement, c'est moi aussi. Et en fait, quand j'ai vu que Margot, du coup, avait fait l'événement, direct, j'ai dit, moi, je veux participer parce que ça fait des années que je voulais faire ça, mais j'ai jamais vraiment osé me lancer. T'es pas passé à l'action, quoi. Voilà, c'est ça. Et je cherchais toujours des gens qui faisaient pour venir et participer. Et voilà, c'était l'occasion, quoi. Bah ouais, voilà. Non, c'est cool. Bon, bah, de toute façon, on va pas... Ici, peut-être. Tu veux un truc chaud à boire ou quoi? Non? Ça va, je suis bien. Bon, ben, peut-être encore... Moi, j'aimerais bien avoir une dame. Pardon? Vous parlez français? Ouais, je parle français. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de... Si vous voulez pas, je prends pas la parole. Vous dites? J'habite pas ici. J'attends quelqu'un. Ça va. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, là, hein. Ben, il y en avait ce matin, mais sinon on va aller au stand près des vêtements de femmes. Ce matin, il y en avait, mais il y avait beaucoup de roumaines quand même aussi. Ouais. Alors. Et donc, votre idée, c'est vous qui avez organisé la tente pour les femmes, la tente pour les hommes. Ça, c'est les filles. Mais l'organisation, c'est tous les filles. Hein. C'est elles qui ont tout géré. Et apparemment, il fallait quand même disperser les trucs pour pas qu'il y ait un effet de... Oui, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc c'est l'idée, c'est là, on va vers la tente des fringues pour les femmes, pour les enfants. Les enfants, c'est derrière. Bonjour. Vous êtes ? Thomas. C'est bien, Thomas. Vous aidez ? Oui. C'est bien, Thomas. Je gère. Oui, c'est bien. Mais il n'y a pas de... C'est bien, oui, bah, c'est bien. Tout le monde participe. Oui, c'est pour la radio ? Oui, c'est pour la radio. Ouais, c'est marrant parce que les gens qui aident sont quand même contents de dire qu'ils aident. Hein ? Ouais, bah ouais. Tu veux bien revenir avec moi ? Oui, mais il y a des gens... Parce qu'il y avait une fille là qui disait que les gens... J'avais envie d'un peu la... Excusez-moi ! Excusez-moi ! C'est du troc, oui, on vous écoute. Je voulais simplement dire que ce serait vraiment super chouette que tu écoutes le micro. Je sais pas si t'es en lien avec l'organisation. Non ? Parce qu'on a un peu rencontré les réfugiés et mademoiselle a traduit, donc, parce qu'il parle anglais. Et donc on posait la question parce que j'avais envie d'un petit tiller. Mais tiens, est-ce que vous... Donc l'idée c'était, vous disiez un peu que les gens viennent ici précisément, en Europe, en Belgique précisément, parce qu'il y a une sécurité sociale bien balèze. Hein, c'est ça que vous disiez en gros, hein, qu'il y a une bonne sécurité sociale. Eh bien, en posant la question à plein de réfugiés, on ne peut pas faire tout le tour évidemment, mais on a quoi ? On a 6-7 personnes, hein, c'est ça ? 6-7 personnes qu'on a rencontrées ? 6-7 personnes ? Ouais, plus ou moins, ouais. Et l'idée, c'est que tous ces gens, en fait, ils veulent aller en Angleterre. Pourquoi ? Pour du travail. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent anglais. Tu vois ? Donc on serait bien étonné des fois de pourquoi les gens sont là. Pas forcément ce qu'on croit. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ce serait chouette que tu écoutes. Comment on pourrait faire ? Tu es sur les réseaux sociaux ? Oui. Les réseaux sociaux, on dit Graziella, oui. Et quoi, je prendrai ton nom et je te file le truc pour que tu puisses l'entendre ? Parce qu'il y a des nouvelles cartes. Ouais. Eh bien, je reviens vers toi sans mon micro. D'accord, parfait. Mais donc, tu vois, l'idée de que les gens viendraient ici pour toucher les allocs. C'est pas ça. C'est pas spécialement toucher les allocs, hein. C'est parce qu'il y a des aides, il y a des. Oui, mais les gens en fait ne viennent pas pour ça. Oui. Voilà, ils viennent en fait à la barre. Ils sont de passage alors. Si c'est pour aller en Angleterre, ils ne restent pas. Mais écoute le micro ouvert, c'est plus compliqué que ça. Mais à la base, ces gens parlent anglais. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire en Belgique, tu vois ? Donc ils vont d'office aller là où on parle anglais, d'office pour trouver du boulot. Et quand on les attrape, en fait. Ils sont obligés de rester... T'as entendu parler des empreintes digitales ? Oui. Tu vois un peu la loi, la règle par rapport à ça ? Non. Eh ben, écoute le micro ouvert. Ça va, merci. Voilà. Et votre équipe, alors, Margot, elle est où, tu sais ? Bon, on peut pas faire tous les gens comme ça, mais tu sais, on n'a pas rencontré une ou deux personnes, on en a quand même rencontré plus, et donc l'idée... C'est que les gens, évidemment, ne viennent, ils se tapent pas le bout du monde pour venir pour une allocation qu'ils connaissent même pas, limite. Hein ? Non, pas du tout, je pense pas du tout. Bon, ben voilà. C'est à qui les affaires qui traînent là-bas ? Où ça ? Mais là, il y a des affaires avec de la nourriture et tout. Ah, là-bas ? Et en fait, le truc, c'est que... Là-bas, tu parles ? Non, ça, ils ont trié, ça, c'est à quelqu'un, mais ici, là... Derrière, il y a plein de vêtements, il y a des chaussures. Ah ouais, et les gens, ils prennent, ils sautent dessus. Et après, quand ça leur va pas... Je t'ai demandé, toi, les études que tu fais ? Je fais pas d'études, je travaillais. Là, je suis en préavis. Donc, je travaille pas pour l'instant. Mais ouais, non, je fais pas d'études. Ah ouais, et c'est bien, évidemment, de pas laisser plein de bazar partout, c'est ça. Hein, y a des chaussures par terre. Ouais. Excuse me, is this from somebody? Ici, il y a plein de vêtements, il y a des culottes et tout. Des culottes? Des bikinis. Ah ouais, mais il y a des trucs genre... Bikinis. Ils sont même changés là, tu vois. Donc, je sais pas trop, faut voir un peu ce qu'ils reprennent, ce qu'ils reprennent pas. On verra à la fin quand ils reprennent. Il y en a qui déposent des trucs là, il y en a qui se changent là. T'as fait un petit direct ? Ouais, c'est une vidéo en direct de Facebook où je montrais un peu comment ça se déroulait. Au début, ça ? Oui, tout au début. Et quoi, il y avait du monde ? Les gens. Mais là, c'est dingue, il y a du monde, c'est incroyable. beaucoup d'animation, beaucoup d'animation. On a à peine eu le temps d'arriver, que tout le monde a vu le paquet et tout le monde est venu voir ce qu'il y avait dedans, etc. Vous venez de loin, vous, hein? Oui, on vient de Jurbis, trois quarts d'heure de train exprès. Vous êtes motivé, quoi. Beaucoup de cœur qu'on voit très, aussi très ici. Motivé, surtout qu'il fait très, très, très froid. Et comme on a su que c'était Margot qui organisait ça, voilà. On y tenait vraiment. Voilà, on s'est vu depuis quelques mois, on s'est dit, allez, on donne quelque chose pour les pauvres. De participer. On a trié, on a fouillé les armoires. Pour Margot. On a eu dur de choisir quelque chose qui soit bien chaud, mais bon, on a mis ce qu'on donnait à donner. On tenait à donner, absolument. Donc c'est, ça c'est génial, hein, c'est chouette. Mais en tout cas, c'est incroyable de se taper trois quarts d'heure pour le faire. Ben oui, il faut. Hein. On pense à ceux qui n'ont rien, qui ont difficile à des vêtements, de trouver des vêtements, tout ça. Alors, en cœur, on le fait et ça fait beaucoup de bonheur. Je crois que si on peut leur apporter un petit quelque chose, chacun, c'est quelque chose d'important. Oui, si tout le monde fait. Johnny, d'ailleurs, aurait dit aussi, d'ailleurs. Hein. Vous dites ? C'est ce que Johnny aurait dit aussi. Excellent. Ouais. Enfin, bon, c'est le principal, que tout aille bien. Et le principal, c'est que il y a beaucoup d'animation, d'amour, de cœur. C'est le principal. Et donc, je crois que tu t'es pas encore eu, toi, Margot, hein, ou dans le micro. Ce matin, dans la salle de bain. Oui, mais voilà, maintenant, c'est dans le concret. Voilà, me revoilà. C'est dans le groupe. Maintenant, c'est du concret, ça y est, c'est, ça se passe. Comment tu te sens? Ben là, ça va, je me sens des fois un petit peu dépassée par l'événement parce qu'il y a tout qui se passe et en même temps, je me dis, ok, respire, tout va bien, tout se passe bien, tout est chouette, chacun prend ce qu'il veut. Tout à l'heure, il y avait des personnes, des Roumains en fait, qui venaient en famille, qui remplissaient des sacs. Et c'était un peu stressant parce qu'il y avait encore personne qui avait apporté des habits. C'est vraiment maintenant que tout le monde ramène. Et du coup, les bénévoles étaient en stress en disant, tiens, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez, mais c'est dingue parce que là, il y a des montagnes, hein, carrément, des paquets. Qu'on va devoir ranger dans des sacs et qu'on va devoir redonner aux différentes associations. Mais voilà, trop bien. Donc il y a du matos, quoi. Il y a du matos, il y a à donner, Je suis encore persuadée qu'il y a plein de personnes qui vont arriver maintenant. Et voilà. Mais tu sais que tous les soirs, il y a des gens qui s'organisent au parc Maximilien pour que d'autres... Enfin, pour que les gens puissent dormir chez des gens. Hein. Oui. C'est ça. Oui. Avec la plateforme citoyenne. Oui, voilà. Mais ils viennent chercher des affaires. Hein, aussi, ah ben voilà, oui. On les rencontrera si tu veux. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Pourquoi t'as eu cette idée avec Victoria, que j'ai aussi au micro? Je crois que c'est quand même Victoria qui est initiatrice de l'idée. C'est elle. Hein. Mais dès qu'elle m'en a parlé, j'étais méga partante. Parce que oui, ça me touche. Et ça nous touche tous au final. C'est juste qu'il faut peut-être tout simplement qu'il y ait un humain qui se dise « Ok, on le fait, ok, en avant, même un, deux, trois humains. » Et regardez, aujourd'hui, on est 40 à être chaud, motivé et... 40 bénévoles, quoi. Ouais. C'est pas bénévole, c'est 40... 40 humains. 40, une équipe qui est... Se donner temps et énergie. Et à la base, ça part d'une personne, base, ça rebondit sur toi, puis ça rebondit... D'une idée dans un cerveau qui rebondit sur moi, et puis ça rebondit, et on est tous là aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que c'est du concret. À fond. Bravo. Merci. Vous êtes vu plusieurs fois comme ça. Pas mal de réunions pour bien tout organiser, visualiser. Elle fait de la communication, donc elle était très forte. Victoria était très très forte dans tout ce qui était organisation, planning, planification. On est parti voir la police aussi et tout ça. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'étapes, on va dire, mais en vérité, ça va très vite et il y a moyen de le faire facilement. J'ai plein de gens aujourd'hui qui viennent qui me disent waouh, c'est vous, c'est génial. Et je dis, mais faites-le. À votre tour, quoi. À votre tour, vraiment. Ouais, et c'est beau, c'est que c'est, vous êtes jeune, quoi. Oui, plein de gens qui viennent aujourd'hui qui disent, c'est quoi votre association? On veut faire partie. Non, il n'y a pas d'association, on est citoyens comme vous. Faites-le. Voilà. Génial. On est émus. Ben, ils sont émus, c'est vrai que bon... T'es émue, d'où Margot? Oui, je suis émue. Là, tantôt, j'ai vu un petit enfant qui était trop content d'avoir un nouveau bonnet et j'ai eu des petites larmes qui montaient. J'étais là, oh, c'est trop mignon. Ça m'a émue. Voilà. Ça, c'est un symbole. Hein. C'est un symbole. Ça vient tout, encore une fois, du cœur et tout ça. Et alors, de savoir que des personnes de par le monde, comme ça, fait un petit quelque chose pour quelqu'un. Et au fur et à mesure du temps, ben, c'est une montagne. Hein. Ouais. C'est ça l'amour, c'est ça le... pour les autres. Ouais. Et aider les autres. C'est simple, en fait. Voilà. Et enfin, c'est pas très compliqué, quoi. C'est plus compliqué l'inverse de foutre, de faire des complications, tu sais, pour que ça marche pas, pour que les gens soient pas bien. Et nous sommes venus pour soutenir notamment, bien sûr, Margot. Hein. Vous êtes des fans de Margot ? Ce sont mes fans. Voilà. Oui, oui. Ce sont mes fans. Sur Facebook, oui, on ses photos. Et aussi pour disons que moi, je ne suis pas trop sur Facebook, mais bon, oui. Patricia. Et alors, elle me le montre, et alors, c'est comme ça que j'ai des nouvelles. Voilà. Bon, allez, je vais continuer ma petite ronde. Et alors, ben, merci d'être venu, c'est trop chouette. Oui, la super prochaine, chou, on se reverra un des. Oui, Margot, oui. Que tout aille bien. Oui. Bon après-midi, que tout se passe bien. Ouais, ce serait marrant d'ailleurs prendre une photo. Avec la police comme ça, les mitraillettes et les gens, c'est un peu décalé. Là, quand même, parce que sinon les Roumains c'est pas gérable. Hein. Parce que ça fait depuis ce matin en fait qu'ils viennent, ils remplissent des sacs sans même regarder ce qu'ils prennent. Et ce matin en fait il y avait d'autres policiers qui eux sont du quartier, du coup c'est leur zone et qui les reconnaissent et en fait ils revendent les vêtements à la rue de Brabant et c'est pas le but. Donc on préfère tous que ça aille aux assos du coup à la fin que de les revendre quoi. Mais bon je vous dirais, oui tu dis heureusement que la police est là ou d'autres gens pour la police serait pas là. Ça se discuterait entre vous de dire tiens. Non, parce que je pense que les gens, entre nous-mêmes, on n'oserait pas trop non plus parce qu'on n'a pas envie de créer non plus de bagarre ou quoi que ce soit. Là, tantôt, par exemple, au stand chez les hommes, il y a une paire de chaussures qui est arrivée. T'as tous les gars, c'était la pointure que tout le monde faisait. Ils sont tous rentrés carrément dans le chapiteau et tout. On a dû gueuler pour qu'ils sortent. Et du coup, j'ai demandé à un policier de se mettre juste, en fait, tourner autour. Ça fait que ils sont plus calmes. Ils sont calmés. Parce qu'ils sont là et que si. Parce que les policiers. Non, t'inquiète. Parce que si après il y a des histoires, ça craint quoi. Ok. Donc la police, dans cette situation, heureusement qu'elle est là pour quand toi. Même. T'étais là aussi ce matin ? Moi, pour avoir organisé l'événement et dû à un moment donné aller parler avec eux, en tout cas peut-être pas ceux qui sont ici présents sur le terrain, mais ceux pour qui on devait demander des autorisations et tout ça, ils étaient super, mais vraiment, ils sont passés aujourd'hui, ils m'ont fait « C'est super votre projet !» Quand ils ont tous sauté à l'intérieur. Elle était là. Non, c'est chaud, des fois, t'arrives avec une paire de chaussures, les gens, vraiment, parce que tout simplement, on n'est pas dans la même réalité, quoi. Ouais. C'est dingue, ça, quand même. Ouais, c'est décalé. Denis va chercher des sacs poubelles et on peut tout ranger. Ouais. Ouais, parce que les assos vont arriver, donc okay. On bourre tous les sacs. Okay. Frustrating when you just can't express yourself, and it's hard to trust enough to undress yourself, to stand exposed and naked in a world full of hatred, where the sick thoughts of mankind control all the sacred. I pause, take a step back, record all the setbacks, fast forward towards the stars and the jetpack. My feet might fail me, my heart might ail me, the synagogues of Satan might accuse or jail me. I get something to say. Yesterday is gone, that name on that birth certificate. That ain't the real me. That ain't the real me. The lies can't conceal me. The sunrise and the moon tides and the sky is gonna reveal me. My brain pours water on my injured eyes to heal me. I got something to say. The message grab a hold to every ears that get whispered in the waters and the bayous of New Orleans still glistening. Yeah, the universe is listening. Be careful what you're saying it. My grandma told me every bed a nigga make, he laying it. I got something to say. Yesterday is gone, tomorrow's on the way. The church you go to pray in it, the work is on the outside, staring out the windows. It's for love songs and house flowers.